On va parler du dossier des castors de Dolbeau et également du hockey mineur. On a parlé avec Danny Lavoie cette semaine de Dolbeau Mississini. Là, maintenant, on va parler avec le président du hockey mineur, Carl Gagnon, pour savoir un peu l'année, comment ça va l'année à Saint-Félicien, comment ça s'enligne. Et également, on va parler aussi du dossier des castors. Salut, Carl! Salut, Danny. Carl, d'abord, avant de parler du dossier des castors, j'aimerais savoir comment que ça s'enligne pour l'année à Saint-Félicien. Ben, comment ça s'enligne? C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas fini de les inscriptions, donc c'est assez embêtant de dire là, si on a une année où ça déborde ou si on a une année où ça va être normal. Donc, il faut terminer les inscriptions, comptabiliser les inscriptions pour savoir là, le nombre de jeunes, mais ça s'enligne pour être une année, là, je te dirais, plutôt standard, en fait. Pas pour toutes les catégories, par contre, là, on a des catégories où c'est plus faible que d'autres. Dans le nouveau Bantam, on va avoir de la misère à faire une équipe. Fait que tu vois que c'est pas nécessairement des bonnes vieilles années, mais en général, là, je te dirais que c'est plutôt standard. Là. OK, donc, ça veut dire quoi, Bantam? Ça veut dire, vous avez quoi, une 25 joueurs environ? Ah, même pas. Ben, total joueurs inscrits, je te dirais qu'on va peut-être atteindre là, une quinzaine. Mais c'est parce qu'on dépend toujours des équipes doublelettes qui sont en plein camp en ce moment. Puis les coupures, on les connaît pas. On n'est pas capable d'anticiper si on va être capable de faire deux équipes. Ça va être une trop grosse équipe ou c'est toujours ça un peu qui nous pend au bout du nez. Tant que le doublelette n'a pas venu ses coupures, on n'est pas capable de déterminer précisément là. Si on va avoir deux équipes ou une équipe, mais comme pour le Bantam, ça s'enligne pas mal plus pour une que pour deux. Donc, c'est des dossiers, justement, là, qu'on discute avec les hockey mineurs là, d'à côté pour vérifier si eux autres ont les mêmes problématiques, puis s'il y a quelque chose peut-être de faisable ensemble. Parce qu'en fin de compte, quand on a des problèmes, c'est sûr qu'on jase avec les hockey mineurs, mais je veux dire, des fois, c'est toujours là, la je t'aide, mais il faut que ça m'aide aussi. Ouais. On fait pas nécessairement, on crée pas un problème chez nous pour t'aider. Tu comprends bien le concept. Là, ouais. C'est pour ça un peu que on est en discussion pour du Bantam, puis le reste, bon, on attend un peu de voir là, les compilations, le nombre de joueurs inscrits, le nombre de joueurs coupés va ressembler à quoi pour vraiment dire bon, ben on notre portrait cette année, c'est ça. On est capable de faire quoi avec ça. Ok. Niveau des entraîneurs, ça se passe bien. David revient, je pense. Oui. Marco Dallaire au niveau Pee-wee. C'est au niveau Atome, c'est qui? Au niveau Atome, du côté de Robertval, c'est un monsieur Frédéric. Ok, c'est vrai. Je sais pas si c'est. Ouais. Bouchard, ouais, l'Atome n'est pas ici, puis le Bantam n'est pas ici, Thomas Tuyanche. Le Bantam, je pense que c'est Pascal Cloutier, le même l'année passée qui renouvelle. Ouais. De notre côté, oui, effectivement, c'est David Boudreau, là, pour, je te dirais, tout on a des contrats de 2 ans. Il est sur la fin de son 3e contrat de 2 ans, là. Donc, pour lui, c'est. Une troisième année, puis c'est un coach qui est très apprécié, puis on n'a pas on n'est pas inquiet là, de ce côté-là. Au niveau, puis oui, c'est Marco Dallaire qui a eu le poste cette année. On avait quand même 4-5 candidats au niveau des entrevues, puis c'est Marco Dallaire là, qui a retenu notre attention là, par rapport à son pedigree puis tout le bagage qu'il y avait au niveau du coaching. OK. Donc, on va. Puis du côté maintenant du conseil d'administration, est-ce que l'Assemblée générale a eu lieu? L'Assemblée générale, oui, a lieu au mois de. Je n'étais pas présent, j'étais pas disponible, mais au mois de d'août, si je me souviens bien, début d'août. Okay. Oui, l'Assemblée générale a lieu, effectivement, oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles têtes qui s'en viennent au sein du CA? Est-ce que c'est. Est-ce qu'on a un profit? À Dolbeau, on a déclaré un profit de 27 000 sur un budget de 60 000. Est-ce que c'est un peu la même chose à Saint-Félicien? Est-ce que ça a été quand même une année intéressante de ce côté-là? Non, pour ta première question, non, il n'y a pas de nouveaux membres au niveau du CA. Je ne sais pas si les hockey mineurs environnants, c'est une facilité de trouver des bénévoles, mais de notre côté, c'est pas toujours facile. Puis, par contre, il n'y a pas de départ. Fait qu'au moins, de ce côté-là, c'est le statu quo, puis c'est stable, mais pas de problème là-dessus. Au niveau de finances, ben, j'aime pas tellement le mot bénéfice. On n'est pas là pour faire du bénéfice, là, mais. On a un budget de roulement à peu près équivalent à celui-là de Dolbeau. Je suppose que si Dolbeau tourne dans les 60 000, on a à peu près un budget équivalent. Mais par contre, on ferme les coffres à la fin de la saison, puis c'est peut-être 2-3 000 $ qui nous restent dans les coffres, pour être bien transparent avec toi, à peine pour redécoller les camps et les pré-camps l'année suivante. Donc l'argent est utilisé là, assez complètement. Là. OK. Je veux te parler des castors maintenant, parce que, bon, ici, à Dolbeau, on a ce dossier quand même chaud cette semaine, le dossier des castors de Dolbeau. Apparemment que les Castors, normalement, je verrais pas pourquoi il n'y aurait pas d'équipe à 28 joueurs, mais semble-t-il que c'est pas assuré que les Castors vont débuter l'année. On me dit à travers les branches, puis je veux vérifier avec toi qu'il y aurait 6 à 7 joueurs de Saint-Félicien qui auraient été libérés par le midget 2B et qui seraient de calibre pour Dolbeau. Puis ce qu'on empêche, c'est le hockey mineur de Saint-Félicien, semble-t-il, qui empêche la libération de ces joueurs-là. Eux seraient intéressés à les joueurs de Dolbeau. Est-ce que c'est vrai? Bon, la première des choses, c'est qu'on va prendre ça morceau par morceau. Ouais. Du côté de Dolbeau, il était rendu à 34-35 joueurs, gardiens dit. J'ai dit, okay. Comme je te disais en préambule, je veux dire, je discute régulièrement avec Danny Lavoie. On garde un contact justement, pour une très bonne relation, on garde un contact là, pour tout là, ce qui est de problématique dans nos hockey mineurs, voir s'il y a quelque chose à faire ensemble. Puis on est parfaitement conscients les deux que je t'aide, ça m'aide de dans ce sens-là. Je veux dire, on n'a jamais débordé au point de dire j'ai ben trop de joueurs en dessus, j'ai pas un hockey mineur qui est dans cette situation-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau du midget 2B, des coupures, le midget 2B de Dolbeau veut les premières coupures qui ont été faites, ça me surprendrait bien gros, parce que les premières coupures qui ont été faites, c'est vraiment là, c'est du midgetal, c'est pur et simple. Je veux dire, c'est pas là que tu récupères des joueurs. Le camp du midget 2B étant même pas terminé. J'ai de la misère à concevoir que déjà du monde qui savent qu'ils peuvent aller jouer ou qu'ils ont envie d'aller jouer dans un autre midget 2B, 2C quelque part, le camp n'est même pas terminé et les coupures sont même pas terminées. Ça, c'est l'autre point. Pour ce qui est de la libération, ben c'est sûr que c'est pas le midget 2B en tant que tel. C'est l'hockey mineur. C'est l'équipe qui décide des libérations. C'est l'hockey mineur qui décide des libérations, puis c'est justement en fonction de son portrait global par catégorie. C'est sûr et certain que le midget 2B, lui, a aucune notion, aucune connaissance du bagage qu'il y a en arrière de lui versus les joueurs qui restent pour confectionner un A et un B. Ça, c'est pas une job de midget 2B, c'est une job d'association, de CA, d'hockey mineur. Puis c'est justement à nous autres de valider que, avant qu'on puisse prendre des décisions, de vérifier si on est capable de faire des équipes comme c'est prévu de le faire. C'est sûr que, comme je disais à Danny dernièrement, je peux pas dire, moi, que je libère du monde, car moi-même, je suis même pas sûr que je suis capable de faire des équipes intéressantes, midget A, midget B. Oui, mais... Il n'y a pas de problème chez nous pour l'aider à faire à régler un problème chez eux. Mais Carl, là-dessus, moi, ce que je te dirais, c'est que l'objectif ultime d'un jeune, c'est de jouer dans le double lettre. Tu es d'accord avec moi? Avant toute chose. Oui, pour certains jeunes, oui. OK, donc... C'est pas généralisé. Ouais, mais en tout cas, si c'est vrai, est-ce que le cas qu'il y aurait 6 joueurs, parce qu'on me dit que c'est vrai, là, qu'il y aurait 6 joueurs de Saint-Félicien qui seraient prêts à s'en venir à Dolbeau, qui auraient été libérés. Si ça... Mettons que tu me dis, t'as pas l'air d'être au courant que c'est vrai, les 6 joueurs, mais si jamais ce serait vrai, est-ce que le hockey mineur de Saint-Félicien accepterait de libérer? C'est parce que ça vient de où, la demande, l'information, le manque, c'est quoi le manque? Ça, je sais pas, ça a passé par quelle bouche, ça vient d'où, mais moi, au début de la saison, effectivement, durant l'été, on a eu quelques parents, on parlait peut-être de 2-3 à ce moment-là, qui se montraient intéressés. Mais c'est comme j'ai répondu à certains parents qui m'ont posé la question. Comment voulez-vous prendre une décision quand nous autres mêmes, on ne connaît pas même pas notre portrait pour la prochaine saison dans l'ensemble du midget, pas dans le midget 2B. Il n'y a pas juste le midget 2B, on ne travaille pas pour le midget 2B. Oui. On travaille pour une association qui on s'assure que notre association va bien et est en santé avant de commencer à penser régler les problèmes du voisin. Ça, c'est clair et précis. Mais ça là, étant dit, c'est clair et précis que si on est dans une situation où on a des joueurs, puis on pense peut-être à avoir trop de joueurs, ben là, on parle d'une autre chose, là, c'est clair, net et précis. C'est sûr et certain que si... Moi, j'ai déjà coaché du midget, puis tu fais pas une équipe midget parce que les jeunes travaillent, les jeunes se blessent, c'est différent un peu des autres catégories. Tu fais pas une équipe midget à 10-12 joueurs. Non, faut oublier c'est ça. Une équipe midget à 10-12 joueurs, si tu te rends pas à Noël, tu sais, s'il y a des situations, puis ça fonctionne pas. Donc, il faut s'assurer d'avoir des équipes minimum de 15, 16, 17 joueurs avant de commencer à penser à libérer du monde, puis à dire, bon, mais c'est beau, allez-y, vous voulez y aller, allez-y. puis qu'après ça, on se ramasse dans une situation où on a 13-14 joueurs dans l'équipe. Mais comment, actuellement, comment vous avez de joueurs assez félicités de calibre midget, là? Ben, c'est ça que je te dis. Ben, de calibre, qu'est-ce que tu entends par de calibre? De calibre ben, de 2B? Ben, 2B, il y en a tout et partout de midget, là. Ben là, c'est comme je te disais, on est en train de finaliser. On a okay. deux jours d'inscription qui ont terminé cette semaine. On est en train de finaliser la compilation de ça pour s'assurer là, de voir comment on a de joueurs. Puis dans ça, ben, c'est sûr et certain, comme je te disais tantôt, dans le camp midget 2B actuellement, il n'y a pas juste des joueurs de Saint-Félicien. Quand tu as une coupure, c'est pas nécessairement un joueur de Saint-Félicien qui revient. Ça peut être un joueur de Mastillage, de Robert Vallard. Ouais. Donc, les coupures, c'est toujours une addition à Saint-Félicien. S'il y a cinq joueurs qui sont coupés cette semaine, puis dans ça, il y en a trois de Robert Vallard et deux de Saint-Félicien, c'est pas du tout le même portrait comme s'il y en avait cinq de Saint-Félicien. Okay. C'est pour ça que faut attendre que l'équipe se formalise et s'officialise. Après ça, on est quand même prendre une décision pas mal plus réfléchie avec un peu de sécurité pour dire, bon, mais c'est vrai qu'on a quelques joueurs de trop. Est-ce qu'il y a des joueurs intéressés à aller à se faire libérer pour aller jouer dans leur team mineur d'à côté qu'eux autres ont des besoins? Fait qu'il faut passer donc, par là avant de commencer. Tu serais ouvert, si jamais. Tu serais ouvert. C'est le cas. Puis moi et Daniel, on a toujours été ouvert pour aider des problématiques okay. de nos voisins. Mais dans des situations où ça ne crée pas de problème à nous autres, ça c'est clair, on était prudent. OK. Mais avant tout, le joueur... Il y a un problème là-dessus. OK. Mais avant tout, le joueur, si le joueur veut se faire libérer... Le joueur qui, mettons que le Marcos Pob le libère, et le Marcos Pob le retranche, il le libère, et par la suite, il montre l'intérêt de jouer à Dolbo au lieu d'aller jouer dans le midget, t'es ouvert à le libérer, c'est ça? Bien, c'est sûr que le midget 2B ne m'aimera probablement pas, le midget 2B de Saint-Félicien, parce que je le prive d'un bon joueur affilié qui pourrait jouer avec eux autres. Ça, de base, il m'aimera pas. Mais c'est clair et précis que si tous les points que je t'ai énumérés tantôt, on se positionne et qu'on s'amasse dans le contexte où, effectivement, on est capable d'aider Dolbo par nombre de joueurs parce qu'on a beaucoup trop de joueurs. On est effectivement ouvert à ça. On n'est pas non plus là. On n'est pas là pour avoir l'équipe la plus forte possible puis faire au diable voisin. Hein. Il reste qu'on est là pour faire jouer des jeunes au hockey. Là. OK. Donc, c'est une bonne nouvelle également. Parce que, à quelque part, Saint-Félicien, Dolbo, il y a trois équipes qui sont vraiment. Il y a deux équipes vraiment en santé dans le midget 2B. Le Marcos Pob, bientôt 400 spectateurs à peu près. Chipougamo, ça va très très bien également au niveau des spectateurs. Problématique de joueurs par contre. Et Dolbo au niveau des spectateurs, ben, ça laisse un peu à désirer. Mais c'est bon pour la Ligue d'avoir une rivalité Saint-Félicien-Dolbo. Pour Saint-Félicien, c'est intéressant que les castors soient compétitifs parce qu'il y a plus de monde, plus d'intérêt aussi. Hey, je me rappelle quand, là, il y a deux ans, les castors, c'était pathétique faire des chroniques. C'était dur faire des chroniques parce que l'équipe faisait une perte. Mais l'an passé, avec la rivalité Saint-Félicien-Dolbo, les équipes étaient compétitives. C'était bon pour le hockey, c'était bon pour la Ligue. T'es d'accord avec moi là-dessus? Non, entièrement d'accord que des ligues où il y a un niveau d'un calibre intéressant, puis quand la compétition en deux équipes est locale, je dirais locale haut du lac, c'est encore plus intéressant que quand c'est contre le Saguenay ou whatever, contre la Côte-Nord, s'il y a joué là encore cette année, puis ils vont y aller. Okay. C'est sûr, ça c'est clair, net et précis. Mais moi, je te le répète, je veux dire, en tant que président du hockey mineur, mon objectif n'est pas de satisfaire le midget 2B au détriment des autres catégories. Moi, j'ai un objectif global au niveau de mon association. C'est quand tu as une base solide, puis tu as un nombre de joueurs solides au niveau du simple lettre, tu as souvent et certitude d'avoir un double lettre en santé. Ça, c'est peut-être des points que certaines associations, je ne suis pas en train de pointer Dolbo, Robert Vallard ou que ce soit, mais même, je te dirais, c'est peut-être des points que certaines associations ont peut-être négligé. C'est garde ton simple lettre en santé, ton double lettre va être en santé automatiquement. Ben, effectivement. D'accord, gros merci, c'était bien intéressant. On aura l'occasion de se reparler tout au long de la saison. Ben, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis s'il y a d'autres choses, je ne vois pas. Le président du hockey mineur de Saint-Félicien, Carl Gagnon.